par je ne sais plus quel shir de ma chaîne, jusqu'à Abou Bakr Siddiq, c'est lui le premier maillon de notre chaîne soufie, etc. etc. Ou nous, on est des salafis, on suit les salafs, mais bon, on adore aussi le tarot éventuellement. On s'allie avec les gens qui veulent détruire l'étendard de la Muhammad Rasulullah, mais bon, on suit les salafs. Donc il dit Mohamed Abdouhab, parmi les caractéristiques des gens de Jahiliya, da'wahum ittiba' as-salaf, la prétention de suivre les salaf, ma'a at-tasrih bi mukhalafatihim, avec le fait clairement de s'opposer à eux. Walhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah. On a fini avec cette introduction.